إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. On a vu la semaine dernière le premier fondement qui concernait la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il avait mentionné dans ce fondement tout d'abord que Allah subhanahu wa ta'ala était notre Seigneur. Ensuite, il a mentionné les preuves de cela. Puis, il a mentionné que comme Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, on se doit de l'adorer. Et il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il a mentionné un certain nombre d'adorations. Et on avait lu les annotations de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala au sujet de ces différentes adorations. Et il y avait un point que on avait oublié d'aborder, que Cheikh Ibn Baz rahimahullah avait mentionné et que l'on a oublié de lire. Et il concernait le sujet de la peur au culte. La peur d'adoration. On avait vu que cette peur, elle est réservée à Allah Azza wa Jal. C'est une peur que tu vois à Allah avec amour et vénération pour lui. Et le Cheikh, rahimahullah, il mentionne au sujet de cette peur que les adorateurs de tombes et les associateurs vouent cette peur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela consiste au fait qu'ils ont la conviction et la croyance que cette personne ou ce mort à qui ils vouent cette adoration au lieu de la vouer à Allah subhanahu wa ta'ala ont une capacité spécifique de pouvoir leur nuire. Et ce, sans aucune cause perceptible. Ceci est donc la croyance de ceux qui adorent les tombes, les adorateurs de tombes, de ceux qui adorent les idoles, de ceux qui adorent les djinns, etc. Et ceci est de l'association majeure. Ils ont la conviction que leurs fausses divinités ont le pouvoir de nuire ou de profiter, ou de faire dévier les cœurs, ou de donner la mort, ou de donner la vie, et ce sans aucune cause perceptible. Et ceci est de l'association majeure. Voilà donc pour ce qui concerne cette partie que l'on avait oublié de lire la semaine dernière. On va voir aujourd'hui, bi'inillahi ta'ala, le deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit: "Al-asl al-thani ma'rifatu din al-islam bil adilla wa huwa al-istislam lillah bil tawhid wal-inqiyad lahu bit ta'a wal-bara'ah min ash-shirk wa ahli wa huwa thalath maratib al-islam wal-iman wal-ihsan wa kullu martabatin laha arkan." Le Cheikh rahimahullah il dit: "Le deuxième fondement et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par l'unicité, de s'assujettir à lui en lui obéissant, et de se désavouer de l'association et de ses adeptes. Ensuite, il dit, et l'islam a trois degrés, qui sont l'islam, Al-Iman, la foi, et Al-Ihsan, la bienfaisance. Et chaque degré a des piliers. et chaque degré a des piliers. Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit en annotation de cela: هذا هو الأصل الثاني وهو دين الإسلام وهو ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit donc: ceci est le deuxième fondement, c'est la religion de l'islam, qui est composée de trois degrés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé. Fa'awwaluha al-islam wa huwa al-ikhlas lillahi wahda. Dit le premier de ces degrés, c'est l'islam, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah. Ya'ni al-istislam lillahi bil ibada wa takhsisuhu biha duna kulli ma siwa. C'est-à-dire le fait de se soumettre à Allah par l'adoration et de lui spécifier l'adoration en dehors de tout autre que lui. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Et le fait de se désavouer de l'association et de ses adeptes. فَهِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمَ يَعْنِ انْقَادَ وَظَلَّ وَخَضَعَ لِلَّهِ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ دُونَ كُلِّ مَا سِوَى. Il dit: s'il fait cela, alors il se sera certes soumis, aslam, c'est-à-dire qu'il se sera assujetti, avili et humilié pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, par l'adoration, en dehors de tout autre que lui. وَتَبَرَّأَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِ قَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et s'il fait cela, il se sera également désavoué de l'association et de ses adeptes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché: et quiconque mécroit au tarout et croit en Allah, il a alors certes saisi l'anse la plus solide. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit ensuite: wal kufru bit tarout ma'naahu al bara'atu min al shirk wa ahli wa inkaru dhalik wa i'tiqad butlanihi. Il dit donc: le fait de mécroire au tarout, ce que cela veut dire, c'est de se désavouer de l'association et de ses adeptes, de condamner l'association et d'avoir la conviction de sa fausseté. وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وكلها داخلة في دين الإسلام. الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة. Il dit ensuite: il y a le deuxième degré qui est la foi, puis le degré de la bienfaisance, al-ihsan. Et ils font tous partie de l'islam, la religion de l'islam, qui est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour ses serviteurs, et la religion par laquelle il a envoyé l'ensemble de ses messagers. Et le degré de l'islam, il englobe toutes les œuvres apparentes. Le degré de l'islam, il englobe toutes les œuvres apparentes. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a défini ici l'islam comme étant al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Donc on a vu la définition de l'islam, c'est de se soumettre à Allah par l'adoration. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité dans l'adoration. Ensuite, tu t'assujettis à lui par l'obéissance. Et qu'est-ce que la sujétion? C'est le fait de répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Très simplement. C'est-à-dire, tu t'assujettis à lui, tu te soumets à lui très facilement. Par l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire le fait d'accomplir les ordres et de délaisser les interdits. Et de délaisser les interdits. L'obéissance, elle englobe ces deux choses. Lorsque tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois accomplir les ordres et en même temps délaisser les interdits. Et le troisième point qu'il a mentionné dans la définition de l'islam, c'est le désaveu de l'association et de ses adeptes. Il a bien dit « et de ses adeptes ». Il ne suffit pas de se désavouer seulement de l'association, sans se désavouer de ses adeptes. Sans se désavouer de ses adeptes. Et on a parlé du désaveu, de l'alliance et du désaveu, dans le deuxième cours, dans la deuxième partie de l'introduction. Et on a vu plusieurs questions liées à ce sujet. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il nous dit que cette définition de l'islam, c'est la définition de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à ses serviteurs et avec laquelle il a envoyé l'ensemble de ses messagers. Donc cela, ce que l'on vient de citer, les trois points que l'on vient de citer, c'est la définition de l'islam par lequel Allah azawajal a envoyé l'ensemble de ses messagers. C'est-à-dire que c'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. C'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. La religion de l'islam est donc composée de trois degrés. Le premier degré est l'islam et ses cinq piliers. Le deuxième degré est l'iman, la foi, et ses six piliers. Et le troisième degré est l'ihsan, la bienfaisance, et son pilier. Et le cheikh, rahimahullah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il va mentionner pour chaque degré ses piliers et les preuves de cela en détail, comme on va le voir, inshallah. Il dit donc, rahimahullah, فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Il dit les piliers de l'islam sont donc au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est son messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée, et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit en commentaire, « Wa arkanu khamsa, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamu salah, wa ita'u zaka, wa sawmu ramadan, wa hajju al-bayt, limen istata'a ilayhi sabila. Kama thabata thalika an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi, bunya l'islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Il dit les cinq piliers, les piliers de l'islam sont donc au nombre de cinq. Le premier pilier, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est le premier pilier de l'islam. Le deuxième, l'accomplissement de la prière. Le troisième est l'acquittement de la zakat. Le quatrième est le jeûne du mois de Ramadan, et le cinquième, le pèlerinage de la maison, pour ceux qui en ont les capacités, pour ceux qui en ont les capacités. Comme cela a été confirmé dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est fondé sur cinq. L'islam est fondé sur cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan, et le pèlerinage de la maison. Et le pèlerinage de la maison. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il va mentionner pour chacun de ces piliers la preuve, une preuve du Coran démontrant que cela est bien un pilier. Il commence par l'attestation et dit فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Il dit donc, rahimahullah, la preuve de l'attestation réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché. Allah atteste ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Et le sens de cette attestation est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah. Il n'y a point de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Donc sa parole, « La ilah, il n'y a point de divinité », renie la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Et « Illallah » affirme qu'Allah est le seul en droit d'être adoré et qu'il n'a pas d'associé dans son adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans sa royauté. Tout comme il n'a pas d'associé dans sa royauté. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وبها يدخل العبد في الإسلام ف فيشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهي نفي وإثبات فلا إله نفي وإلا الله إثبات. Il dit le premier pilier de l'islam, c'est donc l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adorée qu'Allah. Et par celle-ci, le serviteur entre dans l'islam. Il atteste donc qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être en droit d'être adoré à part Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et cette attestation, elle comporte une négation et une affirmation. Fala ila, lorsque tu dis il n'y a pas de divinité, c'est une négation. Tu renies le fait que les divinités en dehors d'Allah soient en droit d'être adorées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en droit d'être adorées. Tu renies le fait qu'elles soient adorées. Wa illallah, c'est une affirmation. Tu affirmes et confirmes que Allah azawajal est le seul à mériter d'être adoré. Tu affirmes qu'Allah azawajal est le seul à mériter d'être adoré. Donc la ilaha illallah, cette parole, kalimatu tawhid, la parole du tawhid, la parole de l'unicité, elle comprend deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation. Et le deuxième pilier, c'est l'affirmation. Il se retrouve dans la parole la ilaha illallah. La première partie est une négation et la deuxième partie est une affirmation. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il a apporté deux versets pour expliquer cette parole. Et il a dit wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawlu ta'ala wa ith qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc mentionné ces deux versets pour expliquer le sens de l'attestation de foi. Il a dit l'exégèse, le tafsir de cette attestation est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple « Je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Donc on retrouve dans ce verset le sens de la ilaha illallah. Ibrahim alayhi salam, il a dit à son père et à son peuple « Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. » Et ceci est le sens de la ilah. Il n'y a pas de divinité. À l'exception de celui qui m'a créé, illallah, sauf Allah. Donc il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et médite sur sa parole « À l'exception de celui qui m'a créé. » C'est comme s'il avait voulu leur dire « Étant donné qu'il m'a créé, c'est lui le seul en droit d'être adoré. Tandis que vos divinités que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les statues et autres, elles n'ont rien créé. Elles n'ont rien créé et ne méritent donc pas d'être adorées. » Ensuite il dit, et il en fit une parole, c'est-à-dire la parole du tawhid, qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils de l'association à l'unicité et se repentiront à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité le verset suivant. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah, puisqu'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Donc on retrouve également dans ce verset le sens de la ilaha illallah. Dis aux gens du livre. Les gens du livre sont donc les juifs et les chrétiens. Et Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, il mentionne que le fait qu'ils soient appelés les gens du livre, ce n'est pas un honneur ou une éloge à leur égard. Au contraire, c'est un blâme. Le fait qu'ils soient appelés les gens du livre, c'est un blâme pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique les livres qui leur ont été révélés. Donc lorsqu'Allah Azzawajal les appelle gens du livre, c'est pour les blâmer. C'est pour les blâmer du fait qu'ils aient reçu les livres et qu'ils ne l'aient pas mis en pratique. Donc il dit dans ce verset, selon le sens rapproché, venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole? C'est la ilaha illallah. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites soyez témoins que nous nous sommes soumis. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit ensuite « Amma qawluha bidun al-amali biha falatanfa ka an yaqul la ilaha illallah wa la yakhussullaha bil'ibada fa inna shahadatahu la tanfa kalmunafiqin fa innahum yaqulunaha wa la ya'taqidunaha fahum fi ad-dark al-asfali min an-nar. » Il dit quant au fait de prononcer la ilaha illallah sans la mettre en pratique, sans mettre en pratique ce que cela implique, alors cela n'est pas profitable. Comme le fait qu'une personne, elle dise « La ilaha illallah », puis que par la suite, elle n'unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc son attestation ne lui est pas profitable. Et ceci est semblable à la situation de qui? À la situation des hypocrites. Ils ont dit « La ilaha illallah », mais ils ne croyaient pas en « La ilaha illallah ». Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux? Il les a mis au plus profond de l'enfer. « Fid dar kil asfali min an-nar » فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه بل هي باطلة. Donc celui qui dit la ilaha illallah, puis qui adore les tombes ou qui adore les idoles et les statues, elle ne lui profite en rien. Au contraire, sa parole est vaine. Au contraire, sa parole est vaine. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Il dit la preuve concernant l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit: Amma shahadatu thaniya wa hiya anna Muhammadan rasulullah. Fadaliluha qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il dit quant à la deuxième attestation, qui est le fait que Muhammad est le messager d'Allah, sa preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Un messager pris parmi vous est venu à vous. يعني محمدا صلى الله عليه وسلم تعرفونه لأنه من أنفسكم وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, c'est-à-dire Muhammad صلى الله عليه وسلم, vous le connaissez car il a été pris parmi vous. Il a été pris par la plus noble de vos tribus et il est issu de Bani Hashim. Azizun alayhima anittum, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Ay, yashukku alayhima yashukku alaykum, ce qui est difficile pour vous, il est difficile pour lui. Harisun alaykum, il est plein de solitude envers vous. Ya'ni ala hidayatikum wa inqadikum min an-nar, c'est-à-dire qu'il souhaite que vous soyez guidés et que vous soyez sauvés du feu. Il souhaite que vous soyez guidés et que vous soyez sauvés du feu. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Compatissant et miséricordieux envers les croyants. Compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit: Wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Donc ce verset est très clair concernant le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit: Wa ma'na shahadati anna Muhammadan rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shara'. Et le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah revient à lui obéir dans ce qu'il a ordonné, à croire en ce qu'il a informé, à s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, et de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Et de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah wa ta'ala, il dit: Wa ba'du hadhihi ash-shahada 'ala al-'abdi an yuti'ahu fima amara وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Après cette attestation, le serviteur, après avoir attesté que le messager, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit d'obéir au messager d'Allah dans ce qu'il a ordonné, de le croire au sujet de ce qu'il a informé, de s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Donc ces quatre choses sont indispensables. Al-awwal ta'atuhu fi ma amara min as-salah wa az-zakah wa ghayriha. La première chose, c'est que tu lui dois obéissance dans tout ce qu'il a ordonné, que ce soit la prière, que ce soit la zakat ou toute autre chose que cela. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, tu te dois de lui obéir. Et on avait vu dans le deuxième cours les preuves à ce sujet, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Qila wa man ya'ba ya rasulallah. Il a été dit: qui refuse? Qui peut refuser d'y entrer au messager d'Allah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit a certes refusé d'y entrer. Donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Tout ce qu'il a ordonné, tu te dois de lui obéir dans cela. Et ceci est la première chose qu'implique ton attestation. Lorsque tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, tu te dois par la suite de lui obéir. La deuxième chose, tasdiquhu fima akhbar 'anil akhirati wal jannati wan nar wa ghayri dhalik. La deuxième chose, c'est que tu te dois de croire en tout ce qu'il a informé, que ce soit concernant l'au-delà, que ce soit concernant le paradis ou l'enfer, ou toute autre chose parmi les choses de l'invisible, ou parmi les choses qui vont se produire dans le futur, etc. Tu te dois de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé. Pourquoi? Parce qu'Allah azawajal dit à son sujet: « وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. La troisième chose qu'il t'est obligatoire après avoir attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, huwa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, kazina wa riba wa ghayri dhalika mimma naha Allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois t'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimandé, comme la fornication, comme l'usure, comme toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ainsi que son messager. Tu dois t'en éloigner. Et l'éloignement est plus fort que l'interdiction de ne pas le faire. Il n'a pas dit tu ne dois pas faire. Non, tu dois t'en éloigner. Et c'est encore plus fort que l'interdiction. C'est-à-dire que tu t'éloignes de cette chose et de tout ce qui mène à cette chose. La quatrième chose qu'implique ton attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, huwa an la ta'bud Allah illa bima shara' fa la tabtadi' fi ad-din mimma lam yashra'hu Allah liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ay mardudun 'alayhi. Donc la quatrième chose, c'est que tu n'adores Allah que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Tu ne dois donc pas innover dans la religion une chose qu'Allah n'a pas légiférée. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée verra son œuvre rejetée. Et dans une autre version: quiconque instaure dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Voici donc les quatre choses qui t'incombe après avoir attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shir rahimahullah il dit: wa dalilu salati wa zakah wa tafsir at-tawhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinu al-qayyimah. Et la preuve au sujet de la prière, de la zakat et l'explication du tawhid est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat Et ceci est la religion de droiture. Et ceci est la religion de droiture. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, et mentionne deux versets en plus comme preuve, et dit, وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et s'ils se repentissent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils deviendront alors vos frères en religion. Ils deviendront alors vos frères en religion. وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Puis s'ils se repentissent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, alors laissez-leur la voie libre. La prière et la zakat sont donc également les deuxième et le troisième piliers de l'islam. Et la salat, la prière, est le plus important pilier de l'islam après les deux attestations de foi. Et quiconque renie l'obligation de la prière ou de la zakat ou du jeûne ou du pèlerinage, il a certes mécru à l'unanimité des savants. Quiconque renie l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage ou de toute autre obligation, il a mécru à l'unanimité des savants. Même s'il accomplit ces choses, s'il renie leur obligation, il est sorti de l'islam. Quant à celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, les savants ont certes divergé à ce sujet, comme vous le savez. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il dit: "Wa dalilu siyam qawlu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Et la preuve concernant le jeûne est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. » Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit: « Ay, anna siyam wajibun alaykum kullu am fi shahri ramadan. » C'est-à-dire que le jeûne est obligatoire pour vous chaque année durant le mois de Ramadan. « Wa dalil al-hajj » قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et la preuve au sujet du pèlerinage est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison, et quiconque mécroit, Allah se passe largement des mondes. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: وهو مرة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. Et le hajj, le pèlerinage, il doit être accompli une fois dans la vie. Et ce d'après la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Le hajj doit être accompli une fois. Et quiconque rajoute à cela, c'est de son plein gré. C'est facultatif et surérogatoire. Voilà donc les cinq piliers de l'islam: les deux attestations de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il mentionne le deuxième degré de l'islam, qui est l'iman, et il dit: Al-martabatu thaniyatu al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha'a 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman wa arkanu sitta أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Il dit donc: le deuxième degré de l'islam, c'est la foi, al-iman, qui est composé d'un peu plus de 70 branches, et al-bid'a, dans la langue arabe, c'est un chiffre compris entre 3 et 9, donc qui est composé de 73 ou d'environ 73 ou 79 branches. La plus haute de ces branches, c'est la parole, le fait de dire La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait d'enlever un objet gênant de la route. Et la pudeur est une des branches de la foi. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: Al-iman huwa ma yata'allaqu bil qulub min at-tasdiq billah wa annahu rabbul alamin wa annahu al-mustahiq lil ibada. والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبحث بعد الموت وبالجنة والنار وبالقدر خيره وشره كل هذا يتعلق بالقلوب. Il dit: la foi, c'est ce qui est lié au cœur. C'est le fait de croire en Allah et qu'il est le Seigneur de l'univers et qu'il est le seul ont droit d'être adorés et qu'ils méritent l'adoration. Le fait de croire aux anges, le fait de croire aux livres, le fait de croire aux messagers, le fait de croire à la résurrection après la mort, de croire au paradis et à l'enfer, et de croire au destin, bon ou mauvais. كل هذا يتعلق بالقلوب فهو أصل من الأصول التي لابد منها. Tout cela est lié au cœur. Et c'est un des fondements qui est indispensable. فلا إسلام إلا بإيمان. Il n'y a pas d'islam sans foi. ولا إيمان إلا بإسلام. Il n'y a pas de foi sans islam. فلا بد من هذا وهذا. Il est donc indispensable de réunir entre les deux. لا بد من إسلام الجوارح. Il est indispensable de se soumettre au niveau du corps, de se soumettre au niveau du corps et de se soumettre au niveau du cœur et d'avoir la foi dans le cœur. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla il a réuni entre les deux dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a également évoqués ensemble. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله عز وجل وترك معصيته والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. Donc l'islam, c'est le fait de t'assujettir en apparence, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant les péchés. L'islam est donc lié aux œuvres apparentes. Et l'iman, la foi, elle englobe toutes les œuvres de l'intérieur, c'est-à-dire les œuvres du cœur liées au cœur et à la foi. وَيُطْلَقُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْإِيمَانِ وَيُطْلَقُ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ. Il est permis également d'employer la foi pour désigner l'islam ou d'employer l'islam pour désigner la foi. فَإِذَا قِلَ الْإِيمَانِ عَمَّ الْجَمِيعِ. Si tu dis l'iman, si tu dis la foi, tout seul, sans le citer avec l'islam, cela englobe l'islam et la foi. Cela englobe l'islam et la foi. وَإِذَا قِلَ الْإِسْلَامُ عَمَّ الْجَمِيعِ. Et si tu dis seulement l'islam, cela englobe la foi également. قَالَ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion, certes la religion auprès d'Allah, acceptée auprès d'Allah est l'islam. فَيَعُمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ. Et cela englobe ce qui est lié aux actes extérieurs et apparents et aux actes cachés et intérieurs. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع. Et également lorsque tu dis la foi, cela englobe l'ensemble, c'est-à-dire l'islam et la foi. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأعداء عن الطريق. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, la foi est composée de 73 ou 79 branches, d'environ 73 ou 79 branches. La meilleure est le fait de dire « La ilaha illallah » et la plus basse est le fait d'ôter un objet gênant de la route. « فَالْإِيمَانُ هُنَا يَعُمَّ الْجَمِيعِ يَعُمُّ الْجَمِيعِ فَيَعُمَّ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ وَيَعُمَّ جَمِيعَ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَ كَمَا يَعُمَّ الْبَاطِنَ كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ الْإِحْسَانِ. » Il dit donc « Al-Iman » dans ce hadith, la foi dans ce hadith, elle englobe toutes choses. Elle englobe les piliers de l'islam et elle englobe les œuvres apparentes et les œuvres cachées. De la même manière qu'elle englobe également l'ihsan. Elle englobe également l'ihsan. Le cheikh rahimahullah, il a donc cité les six piliers de la foi et il a dit « وَأَرْكَانُ سِتَّةَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. » Et les piliers de la foi sont au nombre de six. Le fait que tu crois en Allah, c'est-à-dire que tu crois en sa seigneurie, que tu crois au fait qu'il est le seul à mériter l'adoration et que tu crois en ses noms et attributs, en ses anges, que tu crois en ses anges, c'est-à-dire qu'ils sont des créatures invisibles que Allah Azza wa Jal a créées à partir de la lumière, qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui désobéissent pas. Et tu dois croire en tout ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont informé à leur sujet, comme leur nom, c'est-à-dire Jibril, Mikaïl, Israfil, etc. et toutes les fonctions qui leur ont été données. Ensuite, le troisième pilier, c'est que tu crois en ces livres, aux livres que Allah Azza wa Jal a révélés, et que tu crois qu'ils sont la parole d'Allah Azzawajal, que Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés et qu'ils ne sont pas créés. Et parmi ces livres, il y a la Torah, il y a l'Injil, il y a la Torah et l'Évangile. Et le dernier de ces livres est le Coran, et c'est le meilleur, et il abroge tous les livres qui l'ont précédé. Le quatrième pilier, c'est la foi en ses messagers, alayhim salat wa salam. Et tu dois croire que Allah azawajal les a envoyés et qu'ils sont des humains que Allah azawajal a spécifiés et privilégiés par le fait qu'il leur a donné la révélation. Tu dois donc croire en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas faire de différence entre eux comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Les juifs qui ont cru en Moussa et qui ont mécru en Isa et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les chrétiens qui ont cru en Isa et qui ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu ne dois pas faire de différence entre les messagers. Tu dois croire à l'ensemble des messagers d'Allah alayhi wa salat wa salam, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et qu'il est le meilleur d'entre eux. Ensuite, le cinquième pilier, al-iman bil yawm al-akhir, la foi au jour dernier. Et la foi au jour dernier, elle englobe toute chose qui se passe après la mort, comme la résurrection, comme le châtiment de la tombe, comme le paradis et l'enfer, la résurrection, etc. Ensuite, il dit, le sixième pilier, c'est de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et la foi au destin, elle implique quatre choses. La première chose, c'est que tu aies la foi au fait qu'Allah Azzawajal connaît toutes choses et sait tout ce qu'il se passe. La deuxième, c'est qu'Allah Azzawajal a ordonné à la plume d'écrire tout ce qu'il y allait se passer jusqu'à la venue de l'heure. La troisième, c'est le fait que le serviteur a une volonté. Le serviteur, il a sa propre volonté qui est soumise à la volonté d'Allah Azzawajal. Et la quatrième, c'est le fait que le serviteur est créé et que ses œuvres également sont créées. Comme Allah Azzawajal dit, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon » Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Et cela est ce qu'appellent les savants les quatre degrés de la foi au destin. L'explication de ces six fondements est étudiée en détail dans les livres de l'i'tiqad, dans les livres de croyance. Ensuite, le shir, rahimahullah, il a mentionné la preuve de ses piliers. Comme en son habitude, le shir, rahimahullah, il ne mentionne pas une chose sans en mentionner sa preuve. Et il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَى هَدِي الْأَرْكَانِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Il dit, la preuve de ces six piliers est la parole d'Allah Azzawajal. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner le visage vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve au sujet du destin est la parole d'Allah Azzawajal selon le sens rapproché. Nous avons créé toute chose avec mesure. Voici donc pour ce qui concerne la foi, qui est le deuxième degré de l'islam. Le shir rahimahullah, il a mentionné ensuite le troisième degré qui est la bienfaisance. Fakhala rahimahullah, al-martabatu thalitha, al-ihsan, wa huwa ruknun wahid, wa huwa an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Le troisième degré de l'islam, c'est donc la bienfaisance, qui n'est composée que d'un seul pilier, qui est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit « Amma l'ihsan, fahuwa ikmalu l'ibada, fahuwa ikmalu l'ibadati zahiran wa batina. » Al-ihsan, la bienfaisance, c'est que tu parfaisses, que tu accomplisses ton adoration de manière parfaite, en apparence et en secret, c'est-à-dire intérieurement et extérieurement. « Wa huwa an ta'budallah ka'annaka tara » فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى هَذَا الْإِسْتِحْضَارِ فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله. Donc, celui qui adore Allah en se rendant compte de cela et en pensant à cela, il a certes atteint le degré de la bienfaisance. Et tout le bien s'est réuni pour lui. Al-ihsan, c'est le fait d'accomplir une chose de la meilleure manière. La bienfaisance, c'est le fait d'accomplir une chose de la meilleure manière. Et comment accomplir ton adoration de la meilleure manière? Tu vas accomplir ton adoration de la meilleure manière en ayant conscience que Allah Azzawajal te voit. Toi, tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu sais que tu es sous son observation. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et qu'il sait toutes choses. Peu importe l'endroit où tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu as conscience qu'il te voit. Et en ayant conscience de cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parfaire ton adoration. Et tu vas l'accomplir de la meilleure manière. Et ceci est la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ma'alladina attaqaw » وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُمْ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et place ta confiance au Tout-Puissant, au Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment, celui qui entend tout, celui qui sait tout. Allah Azzawajal, il te voit lorsque tu te lèves pour prier. Il te voit lorsque tu es avec ceux qui se prosternent. Allah Subhanahu wa Ta'ala entend tout et sait tout. Tu dois donc parfaire ton adoration. Peu importe l'endroit où tu es, peu importe si tu es devant des gens, ou que tu es seul dans un endroit caché et retiré, tu te dois de penser au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit et entend tout. Il te voit donc lorsque tu l'adores et il sait ce qu'il y a dans ton cœur lorsque tu l'adores. Il connaît ton attention lors de ton adoration. Voilà donc pour ce qui concerne la bienfaisance qui est le troisième degré de l'islam. Le Cheikh rahimahullah, il a donc mentionné, comme vous l'avez vu, tout au long de l'énonciation de ces trois degrés et de leurs piliers, les différentes preuves. Puis il a mentionné après cela la preuve de ces trois degrés. La preuve de ces trois degrés et de leurs piliers, qui est le hadith Jibril alayhi salam. Le hadith où Jibril alayhi salam est venu et a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a cité les cinq piliers de l'islam. Puis il l'interrogeait sur la foi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lui a cité les six piliers de la foi. Puis il l'interrogeait sur l'ihsan, sur la bienfaisance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a mentionné le pilier de la bienfaisance. Faqala rahimahullah, wa dalilu min as-sunnah. حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. La preuve de la sunna, c'est-à-dire la preuve de la sunna concernant ces trois degrés et leurs piliers, l'islam, l'iman, l'ihsan et leurs différents piliers. Et le hadith Jibril, le hadith, le célèbre hadith de l'ange Jibril alayhi salam. D'après Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu qui dit, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu à nous. Il avait des vêtements d'un blanc éclatant et ses cheveux étaient très noirs. Il n'y avait sur lui aucune trace de voyage et personne parmi nous ne le connaissait. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي. Il s'est donc assis devant le prophète صلى الله عليه وسلم et a collé ses genoux contre ses genoux et a placé ses mains sur ses cuisses. Puis il a dit يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Il lui a ensuite dit Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison si tu en as les capacités. L'homme lui a répondu alors, tu as dit vrai. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils sont alors étonnés du fait qu'ils l'interrogent, puis qu'ils lui disent, tu as dit vrai. Donc ceci est la preuve du premier degré qui est l'islam et ses cinq piliers. Ensuite, il a dit, قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ. Il lui a dit ensuite un ferme mot au sujet de la foi. Il lui a répondu, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il lui a répondu, tu as dit vrai. Il lui a ensuite dit, قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. Il lui a dit informe-moi au sujet de la bienfaisance. Il lui a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Lui certes te voit. Donc ceci est le troisième degré de l'islam qui est la bienfaisance et son pilier. قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من الساهل. Il lui a dit informe-moi au sujet de l'heure. Il lui a dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui le questionne. Et les savants ont tiré un bénéfice énorme et immense de cela. C'est le fait que le questionneur ici est Jibril alayhi salam. Et celui qui est questionné est qui ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux créatures les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange le plus proche d'Allah et le messager le plus aimé d'Allah qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, ces deux-là ne savent pas quand est la venue de l'heure. Donc, à plus forte raison, autre que ne peut avoir connaissance de la science de l'invisible. Il lui a ensuite dit, قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنَ مَرَاتِهَا قَالَ أَن تَلِدَ لَمَتُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ شَيَّ تَطَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Il lui a dit, informe-moi donc, alors, au sujet de ces signes. Il lui a répondu, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Et lorsque tu auras les vingt nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers, se concurrencer dans la construction de bâtiments de plus en plus haut. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من الساهل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Ensuite il est parti et Omar a attendu un petit moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Omar, sais-tu qui était ce questionneur ? Il lui a dit, Allah et son messager savent mieux. Il lui a dit, c'était Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. C'est-à-dire que ces trois choses qu'il a citées représentent la religion dans son intégralité. Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. L'Islam, la foi et la bienfaisance, ainsi que leurs piliers. Et ce hadith est immense et il comporte de nombreux bénéfices. Et on se contentera ici qu'il est la preuve des trois degrés de l'islam et de leurs piliers. On a donc terminé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième fondement. Et comme vous l'avez vu, ce ne sont que des annotations concises et il y a des commentaires qui sont beaucoup plus développés. Mais cela est suffisant pour comprendre l'essentiel du livre et ce qu'a voulu le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, à travers cette risala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.